Quand je viens la première fois à votre centre, qui c'est que je vois là en premier lieu? Premier, il peut y avoir un contact téléphonique ou venir sur place directement et on passe par le service social. Social? Oui. Donc ce n'est pas un délégué qui nous reçoit? Non, c'est un ou une assistante sociale. Sociale, ah, ok.